Sur la plage nue, je suis né de la poussière. Rien qu'un cow-boy paumé dans l'enfer, j'ai taillé la pierre, allumé le feu. Russe m'a choisi, je suis l'ancien et le dieu. À main nue, j'ai monté des murs, chaque clou planté, chaque planche obscure, de la sueur, du sang, des heures de peine. Ma cabane fragile devient forteresse pleine. Dans les tunnels, j'ai trouvé du fer, du soufre pour brûler vos airs. Les flammes dans le four forgent mon destin. Un ranch d'acier au milieu du chagrin. Montez les murs, force la porte. Les raideurs viendront. J'ai la escorte. Frappe la tour. Fais trembler l'acier. Qu'ils osent frapper, on va les broyer. Riders kill, shérif d'acier. Sous les flammes, je viens régner. Vos C4 brûlent, vos coffres fuient, mais ma loi s'écrit dans la nuit. J'ai vu les naked courir au loin, fouillant les caisses, croyant au destin, mais ma base rit. Mes tourelles chantent, chaque balle tirée fait fuir leur bande. Ouais, Rick m'attend, j'prends tout le loup. Mais on est armé, j'fais pas de détour. J'ramène les caisses, j'remplis mes coffres. Mon fort s'élève et l'ennemi s'étouffe. On frappe au nord. Sous les flammes, je viens régner. Vos C4 brûlent, vos coffres fuient, mais ma loi s'écrit dans la nuit. Chaque clou planté sonne comme un serment. Ma forteresse vit bas au gré du temps. Le vent du Far West souffle sur Russe, un cow-boy nu s'érige en juge. Sous les flammes, je viens régner. Vos C4 brûlent, vos coffres fuient, mais ma loi s'écrit dans la nuit. Ouais.